Mort de Monsieur Coquelin Cadet. Avant que ne s'installe, autour de ce trépas prématuré, des légendes, en lesquelles le ridicule le disputera à l'odieux, je tiens à raconter, aussi brièvement que possible, cette catastrophe dont je fus le témoin et aussi, hélas, la cause. Depuis pas mal de temps, Coquelin Cadet me tourmentait pour que je déjeunasse avec lui. Il tenait à me présenter à sa nouvelle petite bonne amie, assurée, disait-il, qu'elle me plairait beaucoup. Il fut donc décidé que j'acceptais ce matin. Nous nous mîmes à table à 11 heures, et le repas fut un de ceux dont on dit que la cordialité ne cessa d'y régner. Aussitôt après déjeuner, nous prîmes congé de la jeune femme, et nous nous dirigeâmes vers le Théâtre Français, où son service de semaine appelait le célèbre sociétaire. Vers midi et demi environ, exactement 12h34, nous vîmes, se dirigeant vers la scène, messieurs Émile Bergerat et Camille de Sainte-Croix, dont les comédiens se disposaient à répéter la pièce « Manon Roland ». Tout d'abord, Coquelin Cadet ni moi n'avions aperçu ces messieurs. À un moment prêté, ordinairement on dit « à un moment donné », mais je ne veux rien accepter en une aussi pénible circonstance. Je rendrai ce moment dès que j'aurai un peu de temps devant moi. À un moment prêté, dis-je, c'est moi qui, dans l'ombre des coulisses, découvris la présence des deux spirituels dramaturges. « Tiens, » fis-je sans penser à mal, « voici 5 000. »« 5 000 quoi ?» demanda Cadet un peu interloqué. « 5 000, je dis, voici 5 000. »« J'entends bien, mais 5 000 quoi ? 5 000 !» Cadet haussa les épaules, geste qui, chez lui, indiquait comme un dédain des propos d'autrui. Mais comme il semblait en proie à l'insoutenable angoisse de ne pas comprendre, je vins à son secours. « 5 000, le compte est facile à faire. 4 000 de Sainte-Croix et 1 000 Bergerat, ça fait bien 5 000. » Coquelin Cadet tomba raide sur le sol. Un médecin, le docteur Paul Mounet, qui passait fortuit en ces parages, ne put que constater la mort du brave artiste. Hâtons-nous de rassurer les amateurs de fins comiques. Monsieur Coquelin Cadet laisse un neveu naturel qui l'imite à s'y méprendre et dont Monsieur Clarty a signé l'engagement sur le cadavre pantelant encore de l'oncle. Alas, pour Ernest. P.S. Ai-je besoin d'ajouter que cette nouvelle était prématurée? Monsieur Coquelin Cadet en fut quitte pour une semaine de repos. À l'heure qu'il est, 7h20, le sympathique sociétaire serait tout à fait bien portant, sans un diable de corps. Imprudence des fumeurs. Je ne sais pas avec quelle autre maladie mon pauvre ami confondait l'encéphalite, mais à chaque instant, il invoquait cette inflammation pour expliquer ses fréquents petits malaises. « Tu ne manges pas, Prosper ?»« Non, c'est mon encéphalite qui me retombe sur l'estomac. » D'autres fois, Prosper exigeait de prendre une voiture pour une course insignifiante, parce que son encéphalite lui travaillait les pieds. Prosper, d'ailleurs, adorait tous les mots qui sortent du répertoire commun et surtout les mots d'aspect scientifique. Il proférait volontiers « Me voici ce soir à Montmartre et ce matin je déjeunais à Grenelle. Je suis un véritable cosmopolite. » Ou bien « Laissez-moi vous conter le dernier anachronisme de Madame C. Elle a demandé à son architecte ce qui coûtait le plus cher, le mètre cube de gaz ou le mètre cube d'électricité. » Il s'esclaffait de rire et répétait « Le mètre cube d'électricité » A-t-on idée d'un pareil anachronisme ? Un jour que je l'avais à peine blagué, « Toi, me dit-il, tu es un bon garçon, mais mitigé de beaucoup de rosseries. » Prosper n'avait d'autre raison de vivre ici-bas que sa qualité d'inventeur. Entre 1 000 autres découvertes par lui baptisées d'appellation saugrenue, cosmopolite, anachronique et mitigé, je citerai le pyrocide. Le pyrocide, comme l'indique son nom baroque, fruit de l'incestueuse copulation d'un lapin grec et d'une carpe latine, est un liquide destiné à détruire le feu en général et les incendies en particulier. Chaque fois que nous traversions le jardin des Tuileries, Prosper ne manquait pas, montrant la place vide du palais, de déplorer « Dire qu'avec mon pyrocide !» Il en avait toujours dans ses poches de son fameux pyrocide, et souvent il l'essayait devant nous, l'hiver, dans les petites réunions artistiques et littéraires où nous consommions notre studieuse jeunesse. Tenez, vous allez voir. Il sortait de sa poche une fiole dont le contenu arrosait la houille flamboyante de la cheminée. Résultat, un dégagement de vapeur corrodante à l'envi, expulsante de chacun, sternutatoire et strangulatoire. Peu après, hâtons-nous de l'ajouter, le feu flambait de plus belle en lâtre joyeux. Le pyrocide n'avait anéanti aucune combustion. « Je ne suis pas encore bien fixé sur les proportions, » expliquait Prosper. Or, il arriva un beau jour qu'un jeune homme, fraîchement débarqué à Paris et titulaire d'un petit héritage, se laissa épater par les grands mots de Prosper et versa quelques billets de 1 000 francs dans son entreprise de pyrocide. Triomphal, déjà, Prosper parlait de congédier les pompiers de Paris et de les remplacer par de simples employés à lui, chargés de la judicieuse distribution du pyrocide sur les incendies qui viendraient à se produire sur les points les plus variés de la capitale. Tout entier à la réalisation de son rêve, il n'assista plus à nos petites réunions. Quand nous le revîmes, un sombre désespoir, une amère tristesse se peignait sur ses traits. « Eh bien, Prosper, quoi donc ? Oh, oh, mon pauvre ami, quel affreux malheur ! Parle ! J'avais installé à Ivry un entrepôt de mon pyrocide. Plus de 3 000 hectolitres de ce liquide s'y trouvaient déjà réunis. Tout cela détruit, anéanti en moins d'une heure. Par quoi donc ? Par un incendie, mon pauvre ami ! L'école Scarron. Tous les économistes s'inquiètent, à bon droit, du sombre état où patauge l'agriculture française. Le blé récolté chez nous ne peut soutenir la concurrence des blés de Russie, d'Amérique et d'Australie. Les fermiers, ne gagnant plus d'argent, se voient dans l'impossibilité de payer leurs propriétaires. Ces derniers donnent impitoyablement congé à leurs fermiers et ne trouvent plus à louer leurs terres. Dans beaucoup de districts, les champs, n'étant pas cultivés, tendent à se transformer en forêts vierges, ou tout au moins demi-vierges. Oh, tout cela n'est pas gai. Les publications spéciales, journaux, revues, brochures, s'évertuent à chercher la cause du mal et à trouver le remède qu'il serait urgent de lui appliquer. Paul, le roi Beaulieu, un garçon remarquablement intelligent, est d'avis qu'on mette un gros impôt sur les produits agricoles étrangers. Les campagnards français pourraient alors augmenter leur prix de vente et, d'après le savant économiste, leurs bénéfices s'accroîtraient d'autant. Le pain à 20 sous la livre, voilà l'idéal de Paul le roi Beaulieu. Quelques théoriciens ont attribué la crise à d'autres causes et proposent de sagaces réformes. Tous ces gens sont plus bêtes les uns que les autres. Le malaise dont souffre notre culture nationale ne date pas d'aujourd'hui. Déjà Louis XIV, ou bien peut-être Henri IV. La prochaine fois que j'irai à la Bibliothèque nationale, je m'en informerai. Inquiet de la mauvaise tournure que prenaient les choses paysannes, avait, à cet égard, exigé des tuyaux de son vieux Sully, en qui il avait toute confiance. Et Sully lui avait répondu, en imitant l'accent de Dupuis, « Sire, l'agriculture manque de bras. Voilà de quoi elle manque, l'agriculture. » Je ne suis pas de ceux qui trouvent ce mot de Sully prud'homme. Au contraire, on ne saurait mieux mettre le doigt sur la plaie. L'agriculture manque de bras. Elle ne manque que de ça, mais elle en manque bien. C'est pénétré de cette vérité qu'un groupe important de philanthropes vient de fonder l'école Scarron. L'école Scarron, comme l'indique son nom, est instituée pour recevoir les jeunes cul-de-jatte français et leur fournir une instruction agronomique conforme aux vieilles traditions aussi bien qu'aux progrès les plus récents de la science moderne. L'agriculture manque de bras, mais elle ne manque pas de jambes. Les cul-de-jatte suffiront donc amplement et sans déchets regrettables au relèvement de l'agriculture en France. Messieurs les fondateurs de l'école Scarron m'ont prié de faire part de leur entreprise à nombreuses clientèles. Voilà qui est fait. Ajoutons que l'envoi du moindre cul-de-jatte sera accueilli avec reconnaissance. Question de détail. Le président. Accusé, Je vous préviens que le système de mutisme dans lequel vous vous renfermez vous fera beaucoup de tort. L'accusé. Entrez plutôt dans la voie des explications et dites-nous les motifs qui vous ont poussé à tuer cette pauvre femme. Vous y tenez beaucoup, monsieur le président ? J'y tiens au nom de la justice. Allons-y, interrogez-moi. Vous voilà devenu plus raisonnable. Dites-nous pourquoi vous avez d'abord tué votre concierge et pourquoi vous l'avez ensuite découpé en 28 morceaux. Parce que je ne pouvais pas faire autrement. Vous ne pouviez pas faire autrement ? Dame, je ne pouvais pas la couper en morceaux d'abord et la tuer ensuite. Accusé, vous jouez sur les mots. Il n'y a guère que là-dessus que je puisse jouer, dans ma position. Si vous êtes décidé à n'être pas plus sérieux, brisons-la. Soit, je vais parler. Pourquoi avez-vous tué cette malheureuse ? Pas pour la voler puisque vous êtes riche. Pas pour la violer puisqu'elle vous dégoûtait. Aviez-vous un motif particulier de vengeance ? Aucun. Alors quoi ? Cette femme détenait un genre de laideur que les plus énergiques efforts ne m'amenèrent jamais à supporter. On ne tue pas les gens, et surtout, on ne les découpe pas en 28 morceaux parce qu'ils sont vilains. Aussi, n'est-ce point pour cela seulement que je l'ai tué et dépecé ? Pour quel autre motif, alors ? Cette concierge était si vilaine que j'en avais perdu le boire, le manger, le dormir et le reste. Partout où je me trouvais, et à n'importe quelle heure, je pensais à sa laideur et m'en angoissais intolérablement. J'essayais de voyager. Les plus beaux paysages du monde ne purent me faire oublier, passez-moi le mot, la sale gueule de ma portière. N'aggravez pas votre position par des trivialités. On me conseilla de tâter de la suggestion. Je me rendis chez l'excellent docteur Vivier. Un charmant garçon. Charmant ! Ce praticien, au moyen de quelques passes magnétiques, me plongea dans l'hypnose la plus intense et me tint à peu près ce langage. Votre concierge, pour l'œil d'un observateur superficiel, et l'aide à faire frémir. Mais essayez de la détailler, et vous verrez qu'elle est charmante. Sous l'empire de cette suggestion, je rentrai chez moi. Achevez vos confidences. Je rentrai chez moi, je pris un grand couteau de cuisine, je descendis chez la concierge et je fis comme le médecin m'avait dit. Hein ? Quoi ? Je la détaillais. La question de la sécurité dans les théâtres en cas d'incendie est résolue. En sortant l'autre soir de la représentation du Cercle du Camélia, je me demandais, non sans angoisse, si le feu éclatait pourtant dans cette modeste enceinte à dégagements plus modestes encore, car la dite représentation du Cercle du Camélia avait lieu dans le théâtre Montserre, minuscule endroit recelant environ 500 spectateurs et n'exigeant pas moins de 40 minutes pour les expectorer tous. Un incendie, une panique subite, et voilà que de familles en deuil, grand Dieu ! Et dans quelles déplorables conditions de confortable tous ces trépas ! J'ai beaucoup étudié la question, en cas de catastrophe, des dégagements de théâtre et, plus généralement, de tout repère à cohue. La chose est plus compliquée que ne se l'imaginent certains ornithologues. Disons même que cet important problème serait actuellement sans solution si M. Raymond Préfontaine, le jeune et brillant échevin de Montréal, Canada, ne s'en était pas mêlé. Dès le début de son enquête, M. Préfontaine s'aperçut que la largeur et la multiplicité des corridors de dégagement n'avaient aucune espèce d'importance. En cas de catastrophe, les corridors servent de goulot à ce bouchon qui s'appelle la foule. Si le corridor est très large, la foule, matière éminemment élastique et dilatable, forme un plus gros bouchon, voilà tout. De même, si vous avez beaucoup de corridors, vous avez beaucoup de bouchons, et voilà encore tout. Ce n'était donc pas là que gisait la solution du problème. L'heure avancée à laquelle j'écris ces lignes, j'ai du monde à dîner pour 7 heures, et il est 8 heures moins le quart, et je burine ces mots sur un airain si à 20 bonnes minutes de chez moi. L'heure avancée, dis-je, à laquelle j'écris ces lignes, me prohibe bien des développements et pas mal de superfluité. Relatons donc, rapide comme la pensée, le résultat de notre ami Préfontaine que 1527 Montréalais ont pu expérimenter sur eux-mêmes à la dernière représentation du Caraïbe Club de la rue Craig. Au premier cri de « au feu », et en moins d'une minute, tous les assistants, hommes et femmes, étaient déshabillés. Se saisissant d'une boîte en fer blanc placée à sa portée, chacun s'enduisait largement et totalement de vaseline. Une minute après, tous les spectateurs se trouvaient dans la rue Craig, sans qu'il y eût eu, grâce à cette matière lubrifiante, la moindre bousculade, le moindre accroc dans les couloirs du Caraïbe Club. Voilà-t-il pas là un joli résultat et bien digne d'être généralisé ? La vaseline pourrait d'ailleurs être remplacée dans les endroits chics par un juste corps en peau de pêche.